vous les amis, vous êtes bien sur Fred Jared 92 pour l'émission Call to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission Reggae où je vais vous présenter un artiste que vous connaissez tous. C'est sûr et certain, c'est un grand artiste du reggae, c'est Bob Marley. Oui, ce grand chanteur qu'on aime tous, qu'on soit jeune, vieux, voilà, tout ce que vous voulez, on l'aime tous, c'est obligé. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter 8 de ces chansons que vous connaissez ou non, ou alors que je vais vous faire redécouvrir. Allez les amis, commençons avec la première chanson qui est Theory Up. Vous allez voir, franchement pour moi celle-là, c'est la base. C'est parti les amis. Bien voilà les amis, c'était Steery Up de Bob Marley. Allez, notre deuxième chanson de Bob Marley est Buffalo Soldier. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais cette chanson, je l'adore. Enfin, il y a très peu de choses que j'aime pas de Bob Marley entre nous. Hein. Clairement, il y a quand même pas mal de titres que j'adore et que j'arrête pas d'écouter, car vraiment, ça me détend, ça met dans une bonne ambiance. Vraiment... C'est super quoi, Bob Marley, franchement. Et c'est pas le seul, hein. Vous regardez Alpha Blondie, Raga Sonic, tous ces gens-là, c'est pas mal. Ça détend aussi, mais alors Bob Marley, c'est cool, c'est... Alors, l'ambiance, yeah man. Vous voyez ce que je veux dire? C'est franchement un vrai rasta, me comprend. J'espère que vous me comprenez aussi, hein. Ça me dérangerait quand même que de vous perdre pendant mon émission, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout de suite, c'est Buffalo Soldier de Bob Marley. Let's go. bien voilà, mes Rasta, c'était Bob Marley, Buffalo Soldier. Tout de suite, nous allons passer à Called You Be Love. C'est parti. Ah là là, mes Rasta, j'espère que vous aimez cette émission, hein, car vraiment, moi, j'adore. Écoutez du bon Bob Marley comme ça, le dimanche soir, ça nous fait oublier que le lendemain, bah, c'est le boulot, quoi. Eh oui. Ah là là là là, qu'est-ce que ça fait du bien, un bon dimanche soir, un bon Bob Marley. Wow, my God. Allez, notre prochaine chanson, les amis, c'est une chanson que j'adore, mais alors vraiment, je pense que celle-là, c'est l'une de mes préférées de Bob Marley, car vraiment... C'est No Woman No Cry, vraiment, elle est juste, mais alors formidable cette chanson, clairement, cette chanson, je la surkiffe les amis. J'espère qu'elle va vous plaire aussi, et c'est tout de suite. Did I remember when we used Oh là là là là là là, qu'est-ce qu'elle est bien cette chanson, les amis. Oh, je l'adore. Allez, l'autre chanson, je pense que certains la connaissent, mais c'est pas l'une de ses plus connues. C'est Sun is Shining. Elle faisait partie de l'album Kaya et elle est sortie en 1978. Oh, c'est dingue quand même, hein. C'est une dinguerie. Vous allez voir, la chanson, elle est juste superbe aussi, quoi. C'est pas ma préférée, hein. Je vous le dis clairement, c'est pas ma préférée. Elle est bas dans le classement, mais je la trouve quand même pas mal, quoi. Puis je me suis dit, c'est pour ça que je l'ai mise aussi, parce que je me dis, elle est pas quand même super connue, donc on va pas mettre que des chansons que tout le monde connaît non plus, car sinon c'est pas le top, quoi. Ça sert à rien, quoi. Au moins celle-là, voilà. Vu qu'elle est peu connue, pour certains ça va être, voilà, je vais leur faire redécouvrir, et pour d'autres, bah ça va être une découverte totale. Donc j'espère qu'elle va vous plaire pour ceux qui la connaissent pas, quoi. Allez, c'est parti, les amis. Eh bien voilà, mes Rasta. J'espère qu'elle vous aura plu, cette chanson. Hein. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, clairement, elle est quand même pas mal. C'est, je vous l'ai dit, hein, c'est pas ma préférée, mais elle est quand même pas mal. Ça passe. Mais la prochaine chanson, tout le monde la connaît et tout le monde l'aime bien. J'en suis sûr, sûr, sûr à 10 000% que tout le monde l'aime bien. Elle est super connue. De toute façon, il nous reste trois chansons et les trois dernières chansons, je vous garantis que tout le monde les connaît. S'il y en a un qui ose dire qu'il les au moins une des trois dernières qu'il connaît pas. Ah bah c'est fini. C'est fini, j'arrête l'émission. J'arrête l'émission car elles sont vraiment super connues et elles sont toutes superbes. Vraiment, c'est clairement des superbes chansons que je vais vous passer là. Allez, celle-là, c'est Redemption Song. C'est tout de suite sur Fadjet. Let's go. Bien voilà mes Rastas, c'était Redemption Song de Bob Marley. Allez, la prochaine chanson n'est pas une chanson de Bob Marley, mais bel et bien une reprise. Mais je tiens à vous dire que cette chanson-là, malgré que ça soit une reprise et non pas de Bob Marley, je l'adore. Je crois même que c'est ma préférée, les amis. C'est Bad Boys. Eh oui, Bad Boys, sorti en 1987, chanté par le chanteur Inner Sinkel. Ouais, cette chanson qui est rendue populaire en particulier par la série télévisée American Cops. Hein, c'est vraiment la chanson que, vraiment, qui a été écoutée dans le monde entier et qui a fait un succès fou, quoi. Clairement, la chanson-là, mais elle a tout déglingué dans le reggae, quoi. Elle a clairement, elle a défoncé le game. Clairement, c'est ma chanson préférée, clairement. C'est vraiment une tuerie. Et surtout le dimanche soir. Lorsqu'on est un peu stressé pour le lendemain, on se sent un peu tendu, et ben là, un bon Bad Boys, et ben c'est parti, hein. Vous allez voir, tout le monde va s'éclater. Allez, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go! Bad Boys, what you want? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? on your father, you chuck it on your brother, and you chuck it on your sister, you chuck it on that one, and you chuck it on me. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. That thief in your eye now give you no break. Hey, hey. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? Bien voilà mes Rastas, c'était Bad Boys de Bob Marley. Allez, pour notre dernière chanson, je vous réserve du lourd. Celle, c'est pareil, je pense qu'elle fait partie du top 3 de mes chansons préférées de Bob Marley. C'est la chanson Get Up, Stand Up. Je trouve que cette chanson, franchement, elle est super jolie. Elle est vraiment, rien que la phrase Get Up, Stand Up, Stand Up for your right. Elle est juste formidable cette phrase, clairement. Je l'adore cette phrase. Et il faut savoir que la chanson est sortie en 1975. Ah ouais, ça date, ça nous rajeunit pas tout ça. Enfin, quoique je suis encore jeune, hein. Clairement je suis très très jeune. Donc à la limite, bon, j'étais pas encore né, donc bon, pour moi, mais pour les anciens, ça vous rajeunit pas quoi, sans vouloir vous vexer, hein, bien entendu. Et elle faisait partie de l'album Live. Et ouais. Et qui est sorti d'ailleurs en 1981 quand même. Oh là là là là. Elle est tout de suite. Get up, stand up de Bob Marley. Allez, let's go. On se retrouve juste après, les amis. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Your Charité. Et bien voilà les amis, cette émission est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous sur Fadjet 14.2. On se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde, bonne semaine à tous. Ciao.